réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible, votre réveil culturel, tous les jours sur France Culture ou quand vous voulez, en passant par le podcast et l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr. Nous sommes le mardi 5 janvier 2016. Dans un instant, on retrouve l'économiste et sociologue Sylvia Pérez-Vitoria. Elle est avec nous toute cette semaine pour notre série consacrée à un manifeste pour un 21e siècle paysan. Retour à la terre, un défi du 21e siècle. Dans un instant, le deuxième épisode. Et puis, aux alentours de 6h15, je serai avec la co-commissaire de l'exposition Dust, Histoire de poussière d'après Man Ray et Marcel Duchamp. Je serai donc avec Diane Dufour. Retour à la Terre, un défi du 21e siècle. Bonjour Sylvia Pérez-Vitoria. Bonjour. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages édités par Actes Sud. Les paysans sont de retour, c'est en 2005. La riposte des paysans en 2010, c'était le dernier ouvrage paru. Manifeste pour un 21e siècle paysan. Alors ce retour des paysans, on en parlait hier, ce retour des paysans, dites-vous, est une chance pour nos sociétés et pas un retour en arrière. Oui, absolument, parce que très souvent, justement, parce que les paysans ont été un peu passés par pertes et profits, on considère que la paysannerie, vraiment, c'est un retour en arrière, maintenant on est dans un autre monde. Alors que moi, je dirais plutôt que ce retour, ce serait renoué avec ce qui a existé pendant 8000 ans quand même, hein, parce que pendant 8000 ans, on a eu des hommes et des femmes qui ont cultivé des milieux naturels très différents, qui ont... ont su s'adapter, qui nous ont amené à porter en tout cas une terre fertile, qui nous ont apporté une extrême biodiversité des plantes. Et pendant 150 ans, on a détruit ça, finalement. Et donc, en grande partie, parce que l'agriculture industrielle a été extrêmement destructrice, en tout cas au plan écologique et au plan social également. Mais cette agriculture industrielle, elle répondait à un besoin de nourrir toute la planète, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, mais sauf qu'elle n'a pas réussi à le faire. Donc c'est le problème. Et on aurait très bien pu nourrir la planète dans d'autres conditions, avec un autre type d'agriculture. Et donc, moi, je me dis, finalement, on pourrait considérer ces 150 ans comme une parenthèse malheureuse. Et finalement, le retour des paysans, c'est renouer avec une tradition. Bien sûr, on ne revient pas en arrière, on part de ce qui existe. Mais en tout cas, vraiment remettre à plat cette agriculture industrielle, la remettre en cause fondamentalement et essayer de retrouver des pistes qui nous permettent de poursuivre dans une agriculture qui est à la fois bonne pour les hommes, bonne pour la terre et bonne pour la santé. Mais là, qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite, par exemple, pour parler d'un cas précis, la France? Eh bien, déjà, arrêter d'utiliser les pesticides, les engrais chimiques, dont on sait parfaitement qu'ils sont extrêmement polluants et dont on sait aussi comment se passer, puisque quand même, il y a eu des recherches. C'est pour ça que c'est pas simplement un retour en arrière. Il y a aussi une démonstration par la recherche actuelle qu'on peut parfaitement se passer des pesticides et des engrais et produire de la quantité et de la qualité. Donc ça, déjà, on sait faire. Mais bien sûr, vous avez des intérêts énormes derrière. Les industries chimiques, c'est très important. Donc voilà. Mais ça, c'est un exemple. Ensuite, les industries semencières ont eu tendance à capter la richesse semencière de la biodiversité. La FAO dit que les trois quarts de la biodiversité cultivée a disparu au XXe siècle. Eh bien, renouer avec des semences diversifiées, c'est la meilleure garantie qu'on puisse avoir pour notre avenir. Et c'est pas du tout en ayant trois, quatre groupes qui vont contrôler l'ensemble des semences qu'on est assuré d'avoir un avenir, en tout cas. Et sur le plan culturel, qu'est-ce qui peut pousser justement les mentalités à évoluer ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on constate qu'il y a un parallèle à faire entre la diversité biologique et la diversité culturelle. En fait, dans le monde, les endroits où il y a le plus de langues, par exemple, c'est-à-dire de plus de cultures, ce sont les endroits où il y a la plus grande biodiversité. Et donc, prendre conscience que cette agriculture industrielle, elle lamine littéralement, elle homogénéise des formes de pensée, des formes d'être, des formes de rapport à la nature, mais aussi des formes de relations humaines. Et donc, essayer de rediversifier à la fois l'agriculture et les formes d'agriculture et les formes de relations qui se nouent autour de l'agriculture. Ça, c'est, alors, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile dans nos pays où la paysannerie a en grande partie disparu, mais c'est en marche dans bien d'autres pays. Et si vous voulez, dans les expériences qui peuvent se faire, même à petite échelle actuellement, même en France, eh bien, il y a ce désir de découvrir d'autres manières de rapport, et à la fois, à la nature et à la fois entre les gens. Autour de l'agriculture. Alors, puisque vous citez cet exemple français où il faut tout réinventer, si j'ai bien compris, Sylvia Pérez-Vitoria. Beaucoup de choses, oui. Comment voyez-vous justement les choses ? Comment on peut tout réinventer ? Eh ben, d'abord, il y a beaucoup d'expériences qui se font. Donc déjà autour de ça, les faire connaître, se regrouper autour d'elles. Par exemple, en matière de, je vais prendre un exemple. Le pain, par exemple. Le pain, c'est vraiment un produit très important pour nous en France. On a une culture du pain, on peut dire qu'on a une culture du pain. Et puis, on est passé à un pain industriel qui n'est pas bon, etc. Même si les boulangers ont réussi à se défendre quand même et à défendre quand même des pains de qualité. Eh bien, il y a des paysans ça existe qu'en France d'ailleurs, ce qu'on appelle les paysans boulangers, qui ont su à la fois récupérer des variétés de blé qui avaient disparu en grande partie régionale. Ensuite, faire la farine avec des meules de pierre, ce qui permet de garder toutes les propriétés nutritives du blé qui disparaissent dans ses formes mécaniques, faire le pain et le vendre. Donc c'est une récupération, si vous voulez, mais à la mode du 21e siècle, c'est une récupération de savoir et de savoir-faire qui permettent à la fois d'avoir une grande diversité, par exemple du blé, du sorgho, de l'épeautre, etc., local, donc de récupérer des semences, de récupérer des savoir-faire et d'avoir un produit de qualité. Ça, c'est un exemple qui est autour de ça. Si ça, c'est en train de se développer. Il y a même maintenant des écoles qui enseignent comment être paysan boulanger. Et je pense que c'est une expérience très intéressante. Mais ce pain de qualité, est-ce qu'il n'est pas plus cher que le pain industriel ? Est-ce qu'on ne va pas vers une société à deux vitesses ? Alors ça, c'est une autre question, effectivement, la question du prix. Mais parce qu'en fait, si vous voulez, la nourriture à bon marché, qui a été toujours une des raisons pour lesquelles il fallait produire plus, c'est que la nourriture devait être à bon marché, ce qui permettait, en passant, d'avoir les salaires plus bas. Mais cette idée est assez fausse parce qu'en fait, dans le prix bon marché, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte. Par exemple, les destructions environnementales ne sont pas prises en compte dans ces pays par le reste de la société. Les subventions que vont recevoir ces productions bon marché, ce blé de Beauce, etc., nous le payons aussi par nos impôts. Les effets sur la santé, on les paye aussi. Donc, si vous voulez, sous le prix bon marché du pain industriel, eh ben, il y a un coût social bien plus important que celui qui apparaît dans le prix. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose pour les fruits et légumes ? Alors les fruits et légumes, c'est un peu différent parce qu'en général, il n'y a pas de subvention. Mais en tout cas, en ce qui concerne les dégâts environnementaux, c'est absolument évident. Et en ce qui concerne les problèmes sur la santé, c'est complètement évident. Et le problème des fruits et légumes aussi, c'est que ils se promènent d'un bout à l'autre du monde. Donc, je veux dire, on voit bien arriver les fraises, par exemple les fraises d'Espagne, qui sont des fraises qui sont cultivées dans des conditions sociales absolument abominables, qui viennent concurrencer des fraises françaises. Mais remarquons qu'elles n'ont aucun goût, qu'elles ne sont pas bonnes. Donc, produire des fraises en France, alors, si vous voulez, l'idée aussi, c'est qu'on peut produire, tout ce qu'on peut produire, on doit pouvoir le produire. Et ce qu'on peut pas, bien sûr, on n'est pas encore, le changement climatique nous permet pas encore de produire des bananes. Mais sinon, je pense que cette idée de produire tout ce qu'il est possible de produire, il faut le faire. Alors la question du prix aussi, si vous voulez, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, la part de l'alimentation dans le budget, ça devait représenter quelque chose comme 20 ou 30%. Maintenant, on est en dessous des 12%. Alors les gens, ils sont prêts à dépenser pour un iPhone, ils sont prêts pour un écran plasma, etc. Et pas pour la nourriture. Vous voyez? Et donc ça, à mon avis, c'est à reconsidérer complètement. De plus en plus, quand même, moi, je dirais que les gens s'intéressent à des fruits et légumes bio, Oui, de plus en plus, heureusement, de plus en plus. Mais malgré tout, très souvent, justement, on nous dit, ouais, mais la bio, c'est pour les riches. Et je pense que il faut pas le penser comme ça. Si on mettait en place des circuits de distribution des produits bio qui soient l'équivalent, ou si on aidait, comme on aide l'agriculture industrielle, la production bio, eh bien, on aurait des prix tout à fait équivalents. En tout cas, au niveau de la quantité produite, c'est à peu près l'équivalent. Et puisque vous parlez d'un exemple de marché intra-européen entre l'Espagne et la France, c'est aussi ça l'avenir, hein, c'est-à-dire que au moins au niveau européen, on devrait pouvoir avoir un marché commun réel. On pourrait avoir un marché commun réel si les conditions de production étaient à peu près équivalentes. Le problème de la mondialisation d'une façon générale, c'est la mise en compétition des paysans du monde entier avec des productivités différentes et des conditions de travail différentes. En Espagne, si vous voulez, dans la région d'Almeria, dans le sud de l'Espagne, l'exploitation des salariés agricoles est tout à fait terrifiante. Et donc, c'est ça qui permet d'avoir des fraises à très bas prix. Donc, si on ne prend pas en compte les conditions sociales, c'est pour ça que c'est très important d'avoir une vision globale de l'agriculture et pas simplement ni de production, ni technique, ni même économique, mais avoir vraiment toutes les dimensions. Eh bien, si vous mettez en concurrence un petit producteur de Dordogne qui fait ses fraises avec un producteur du sud de l'Espagne qui est en hydroponie intensif avec des ouvriers roumains qui travaillent, ou là en l'occurrence c'est des femmes roumaines qui travaillent dans des conditions terribles. C'est pas des sans-papiers marocains. Ouais. Exactement, des sans-papiers marocains ou des équatoriens, enfin donc des conditions de travail absolument épouvantables. Donc si vous voulez, ça fausse complètement la concurrence. Donc que les gens puissent, que les produits puissent circuler, oui, mais à condition que ça permette aux gens qui les produisent de vivre dans les différents pays. Donc vous êtes pour un accord mondial, mais ça c'est... Ça m'a l'air impossible aujourd'hui, non ? Non, je suis vraiment... l'Organisation mondiale du commerce, en plus, ça achoppe justement sur l'agriculture. Mais en fait, à cause des subventions en particulier, parce que ça crée une inégalité entre les pays qui ont des subventions et les pays qui n'en ont pas. Moi, je suis plutôt pour l'idée une notion qui a été avancée par Via Campesina, qui est la notion de souveraineté alimentaire. C'est-à-dire qui est différent de la sécurité alimentaire. Donc la souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples à pouvoir produire leur alimentation, ce qu'ils peuvent produire dans les conditions qui sont les leurs, avec les méthodes qui sont les leurs. Et ce qu'ils ne peuvent pas produire ou ce qu'ils produisent en trop, ils les changent. Moi, je pense que comme ça, on garantit à tous une alimentation de qualité locale, parce que aussi, si vous voulez, c'est pas possible les transports d'aliments d'un bout à l'autre. En termes énergétiques, c'est considérable. Là, on vient d'avoir la COP21, mais le transport d'aliments, c'est une part très, très importante aussi dans le changement climatique. Donc, essayez de... Alors, si vous voulez, si on produit des tomates en France, je vois vraiment pas pourquoi, à moins qu'on n'en ait pas suffisamment, mais je vois vraiment pas pourquoi on doit importer des tomates de Hollande ou d'Espagne, par exemple. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Merci beaucoup, Sylvia Pérez-Vitoria. On se retrouve demain pour le troisième épisode de notre série cette semaine. Retour à la Terre, un défi du 21e siècle. Thank you. Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour. Bonjour Diane Dufour. Bonjour. Merci d'être venue ce matin. En 2010, vous avez créé le bal avec le grand photographe Raymond Depardon, en transformant d'ailleurs une ancienne salle de bal des années folles de la place Clichy en un espace contemporain dédié à l'image, document sous toutes ses formes, c'est-à-dire photographie, vidéo, cinéma, nouveaux médias. Et par ailleurs, vous co-dirigez depuis 7 ans avec Christine Vidal la Fabrique du Regard, la plateforme pédagogique du bal qui forme des jeunes de 8 à 18 ans à lire des images et à comprendre par l'image le monde dans lequel ils s'inscrivent. Et en ce moment, au bal, on peut voir l'exposition Dust, conçue par le photographe et artiste britannique David Campagny, Dust. Poussière en français et au pluriel, une expo qui va jusqu'au 31 janvier et qui est inspirée ou qui part d'une photo de Man Ray et de Marcel Duchamp. Oui, c'est-à-dire que le point de départ de l'exposition, c'est cette image de Man Ray et Duchamp qui est réalisée en 1920 dans l'atelier de Duchamp. En fait, Duchamp dit à son copain Man Ray, viens photographier mon grand verre sur lequel Duchamp va laisser s'accumuler la poussière. Et donc, Man Ray arrive, le grand verre de Duchamp est posé et avec effectivement plein de poussière qui le cache. Et Man Ray fait une photo qui va devenir élevage de poussière, mais également vue d'un aéroplane. Et donc, dans ce trouble du titre que Duchamp crée, il y a déjà toute l'histoire de l'art qui va s'engouffrer. Voilà, la photo devient une toile, on peut le dire, parce que ils vont jouer avec cette ambiguïté de la photo. Oui, c'est-à-dire que cette photo a été tellement importante et même pratiquement décisive dans l'histoire de l'art moderne et contemporain, parce qu'elle est totalement ouverte. On ne sait pas exactement ce qu'elle représente. Est-ce que c'est un champ de bataille? Est-ce que c'est une œuvre d'art? On ne sait pas exactement qui en est l'auteur. C'est une idée de Duchamp, mais c'est une photo réalisée par Man Ray. On ne sait pas exactement quelle est l'échelle. Est-ce que c'est une vue d'avion ou est-ce que c'est un plan rapproché? On ne sait pas exactement quel est son statut. Est-ce que c'est une œuvre d'art de Man Ray ou est-ce que c'est un document sur l'élaboration du grand verre par Duchamp? Et donc, ce trouble, en fait, cette indétermination de l'image. Enfin, on ne sait pas parce qu'ils se sont arrangés pour qu'on ne le sache pas. Exactement. Mais maintenant, on le sait. Exactement. Ils ont jeté le trouble dans nos esprits et en jetant ce trouble, ils ont permis aussi à un certain nombre de créateurs de s'engouffrer dans ces espaces et de rendre ce geste de destruction, de laisser la poussière s'accumuler, créatif. Alors, cette photo-là est bien sûr présente dans cette exposition Dust, mais c'est que le point de départ d'une vaste exposition sur la poussière, oui. Oui, c'est-à-dire qu'on est parti de cette image comme si, effectivement, des pelotes de poussière s'étaient accumulées dans nos esprits et qu'on allait tirer des fils vers un certain nombre d'œuvres et aussi vers un certain nombre d'images vernaculaires. Donc, on retrouve dans l'exposition des artistes qui se sont plus ou moins directement inspirés d'élevage de poussière de Man Ray Duchamp, comme Sophie Ristel-Hubert, ou des gens comme Gerhard Richter, Jeff Wall, John Divola, Ed Ruscha, donc des grands noms de l'histoire moderne et contemporaine, mais aussi des photographies par exemple, d'experts forensiques, donc de criminologues qui, eux, ont besoin de poussière pour que les empreintes puissent être révélées. Donc la poussière n'est pas qu'un outil d'opacité. Ou bien également, par exemple, des images des grandes tempêtes de poussière qui ont lieu dans les années 1937-1938 aux États-Unis. Les grands dust storms qui ont beaucoup marqué la culture contemporaine américaine et qui se traduisent par des photographies de presse ou des cartes postales dans l'exposition. Alors comment c'est mis en scène tout ça? C'est quoi la scénographie de cette exposition Dust, Diane Dufour? En fait, si vous voulez, on est parti de de lien totalement poétique, totalement, c'est une organisation un petit peu irrationnelle. Bien sûr, il y a un grand mouvement chronologique puisqu'on part de 1920, élevage de poussière, jusqu'à une œuvre assez récente d'un jeune artiste espagnol qui s'appelle Javier Ribas. Mais après, les associations se font, j'allais dire presque de pas du coq à l'âne, de poussière à poussière, notamment parce que on va tirer un fil qui est la poussière porteuse de menaces, par exemple en montrant la séquence d'ouverture d'Hiroshima Mon Amour d'Alain René, où les amants sont recouverts d'une poussière d'or, mais qui symbolise la menace aussi radioactive d'Hiroshima. Donc ça, c'est un des fils tirés dans l'exposition thématique. Un autre fil, c'est bien sûr le trouble quant à l'échelle. Les vues d'avion, Hemingway qui dit qu'en octobre 1922, il survole pour la première fois Paris en ballon, et qu'en voyant les champs et les carrés de verdure qui représentent la forêt, il a enfin compris la peinture cubiste. Et donc voilà, il y a ce trouble constamment dans l'exposition sur les différents niveaux de compréhension de l'image, et donc poétiquement, on propose un parcours qui est une sorte d'histoire spéculative de l'histoire de l'art. Et qui traverse, bien sûr, toutes les civilisations, en tout cas toutes les géographies. Toutes les géographies, jusqu'à même montrer de la poussière elle-même, puisqu'en 1977, Robert Filliou va aller au Louvre prélever sur un Titien et un Velasquez notamment de la poussière de chef-d'œuvre qu'il va mettre dans des petites boîtes en carton sur des chiffons, dans l'idée, évidemment c'est un canular auquel on croit ou on ne croit pas, mais que l'aura de ces chefs-d'œuvre peut-être passer dans cette poussière et donc déménager sur d'autres tableaux éventuellement. C'est la première et dernière fois qu'on verra des Titien et des Velasquez au bal, je crois. Et autre qualité de cette exposition donc au bal, Dust, c'est d'avoir une réflexion sur la poussière à travers des textes, à travers des représentations, à travers de la poésie. Oui, je voudrais vous lire le poème qui est publié en octobre 22, qui est exactement le mois de la première publication d'Élevage de poussière dans la revue Littérature d'André Breton. Et donc est publié ce grand poème de T.S. Eliot au même moment, qui est un des grands poèmes de la période moderniste et qui est une très belle ouverture de l'exposition. Et je te montrerai quelque chose qui n'est ni ton ombre le matin marchant derrière toi, ni ton ombre le soir venu à ta rencontre. Je te montrerai ta peur dans une poignée de poussière. Voilà. Et puis, poussière, vous avez dit poussière, Dieu ne doit pas être très loin. Alors, Dieu, oui, peut-être poussière retournera poussière. Peut-être que l'exposition est surtout traversée par les grands événements peut-être tragiques du XXe siècle, puisqu'on a parlé brièvement d'Hiroshima, on a parlé des grandes catastrophes de climat, comme les tempêtes de poussière aux États-Unis dans les années 30. On va aussi parler du 11 septembre, qui va tout d'un coup, dans cet attentat, recouvrir de poussière les corps et nos ville, mais on va aussi jusqu'à, par exemple, un événement qui peut être la fin de Kodak, dont montre dans l'exposition un Canadien qui s'appelle Burnley, qui a réalisé une photographie sur les usines Kodak se volatilisant en poussière, puisque Kodak va faire faillite. Vous savez, Kodak avait plus de 100 000 salariés à l'époque de sa grandeur, à l'époque où Kodak incarnait la photographie elle-même. Et puis Kodak n'a pas pris le virage de la photographie numérique, et tout d'un coup, cette photographie de Robert Burnley va incarner le changement d'une ère. Et étrangement, dans l'image, les salariés de Kodak assistent à l'explosion de ces usines et vont bientôt être recouverts par le nuage de poussière de l'usine qui a disparu. Donc c'est très beau, c'est un geste poétique. Nous allons aussi vers des choses plus contemplatives, une série donc de Javier Ribas qui s'appelle Nomades et qui montre un terrain qui appartenait à une entreprise espagnole et qui avait été non utilisé pendant des années parce que l'usine qui était implantée sur ce terrain ne fonctionnait plus. Et des gitans vont occuper ce terrain. Et l'usine et l'entreprise, pour se prémunir de leur retour, va tout bonnement et simplement exploser littéralement le sol de ce terrain, qui est un terrain gigantesque dans la banlieue de Barcelone. Comment on détruit sa propriété, ses propres lopins, son propre territoire, pour empêcher un usage qui était totalement gratuit puisqu'il n'y avait pas d'autres activités, de se réinstaller. Donc vous voyez, l'exposition est à la fois traversée par des choses très poétiques et à la fois par des sujets très sociaux, très politiques et aussi les grands événements du siècle. Et elle questionne aussi notre rapport à la poussière. Est-ce qu'on a le même rapport à la poussière à travers les âges, à travers aussi les continents, les civilisations, les cultures différentes, Diane Dufour? Oui, c'est-à-dire que c'est la poussière, si vous voulez, vécue comme quelque chose qui peut être une menace, qui peut être opaque, mais pas toujours, quelque chose que l'on chasse, mais pas toujours. Pas toujours. Je pense notamment à John Fante et son livre Demande à la poussière, donc qui représentait cette fois-ci plus la mémoire qui s'efface, qu'on n'arrive pas à retenir. Alors vous parlez de mémoire, par exemple dans l'exposition, on montre une image intrigante, qui est une image d'un garagiste, d'un mécanicien, qui passe le doigt sur une voiture ancienne. En fait, c'est la Lancia de Mussolini, dans laquelle il était quand il a été arrêté et puis lynché. Et ce mécanicien qui a gardé cette voiture passe le doigt dans cette poussière pour montrer que, oui, c'est bien la Lancia de Mussolini, donc elle vaut très très cher puisqu'elle est devenue un objet d'histoire. Et donc, dans ce cas-là, la poussière, c'est un indicateur du temps qui passe et aussi de la valeur qui, en même temps que la poussière, s'est accumulée sur la voiture. Donc, vous voyez, on joue aussi avec cette notion de mémoire, on joue avec cette notion de vintage qui est transmise par la couche de poussière. Le XXe siècle raconté à travers ces histoires de poussière au pluriel dans cette exposition Dust, mais il y a aussi le 21e siècle et puis ces poussières intergalactique, j'ose dire, Diane Dufour. La poussière ne concerne pas que notre bonne vieille Terre. Oui, alors la poussière d'étoiles, par exemple, nous avons une jeune artiste anglaise qui s'appelle Eva Sternham dans l'exposition, qui elle s'est jouée des photographies de Mars. C'est-à-dire qu'elle a demandé à la NASA de lui vendre, de lui céder les droits sur les premières images qui ont été réalisées. Vous savez que Mars est une planète où personne n'est jamais allé, mais la NASA y est allée, rapporter des images, et Eva Sternham va s'emparer de ces fichiers, va les refotographier, donc va réaliser des négatifs et va laisser les négatifs s'accumuler sous son lit, comme Duchamp avait laissé la poussière s'accumuler sur son grand verre, et elle va tirer ces images qui sont donc des images fantasmé. Mars ressemble un peu au Nevada, oui, une terre très rouge, très ocre. On dirait un désert, ce n'est pas très étrange, mais ce qui est très étrange, ce sont ces traces de poussière qui, tout d'un coup, forment des constellations imaginaires sur ces images de Mars. Et comment fait le bal, c'est-à-dire comment fait le lieu qui accueille cette exposition Dust avec la poussière de tous les jours? Il faut les nettoyer, pas nettoyer? Voilà, bah, ni plus ni moins que toutes les expositions du bal, mais disons qu'on pourrait être tenté de la laisser s'accumuler comme Marcel Duchamp l'a fait. Peut-être l'œuvre sur laquelle je serais le plus tentée de laisser la poussière s'accumuler, c'est notre grand verre à nous. C'est un grand verre sous lequel nous avons déployé un livre merveilleux qui est un livre d'artiste de Gerhard Richter et qui est en fait 128 détails qu'il va lui-même photographier en noir et blanc d'une de ses peintures. Ça s'appelle 128 détails d'une peinture. En 1977, Gerhard Richter se prend au jeu de photographier donc tous les fragments de cette peinture qui est en relief avec énormément de pattes de peinture qui forment des collines et des vallées photographiées d'aussi près. Et donc il va se jouer de ce trouble de nouveau de l'échelle. Est-ce que c'est une nature morte? Est-ce que c'est un paysage? Quelle est la valeur de ce noir et blanc, de ces gris, alors que la peinture évidemment d'origine est en couleur? Donc lui-même va reprendre à son compte cette opération de destruction de son œuvre opérée par Duchamp, mais cette fois qu'il va appliquer à son tableau. C'est très beau, c'est très poétique et c'est une des grandes découvertes de l'exposition. Dust, histoire de poussière, c'est jusqu'au 31 janvier au bal 6 impasse de la Défense dans Paris, dans le 18e arrondissement de Paris. Merci beaucoup Diane Dufour d'être venue nous en parler ce matin. Merci.